Yo-Yo 89.5 Une mardi sur 2 à 21h et aussi sur radio-rageuse.net. Bonsoir. Waouh. Et bienvenue à Comme une ouragan, l'émission féministe, une mardi sur deux sur Radio Dio 89.5. Et bon, si vous avez commencé à écouter à 20h58, vous avez remarqué qu'on a joué deux fois notre jingle parce qu'en fait, on était en avance. On ne trouvait ça pas très juste. Alors, pour les gens qui allument direct à 21h, de ne pas avoir le jingle. Bon, voilà. On va aujourd'hui, ce soir, on va parler, on va un peu avoir des actus. Il y a une montage qui était préparée par Théo, super, de la manif du 8 mars. On va lire un tract du Greffe féministe de Marseille qu'on trouvait super. Et aussi, on va avoir un peu des infos d'un texte qui est sorti d'Alain Fon. Mm-hmm. Tout ça avec un peu de musique. Et voilà, on commence finalement. Ouais, alors ouais, pour commencer cette émission, on va commencer par une actu plutôt triste et terrible, parce que il y a encore eu un naufrage en mer Méditerranée ce week-end, du coup avec 30 personnes qui sont mortes, et du coup on va vous lire le communiqué qui a été publié hier par le réseau Alain Fon. On trouve ça important de le faire, sachant que d'autant plus que dans les médias mainstream, c'est un gros tissu de mensonges ce qui sort depuis hier. Du coup, ben nous, on avait envie de rétablir un peu la vérité sur ce qui s'est passé et du coup de vous lire le communiqué du réseau Alain Fon. Mais avant de lire le communiqué, j'avais envie de vous faire une petite présentation d'Alain Fon pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce réseau. Du coup, c'est un réseau transnational qui lutte pour la liberté de circulation et d'installation de toutes. Il a été créé en 2014 par des activistes européens et nord-africains en réaction à plusieurs naufrages qu'il y avait eu en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est un gros réseau qui regroupe environ 200 personnes dans de nombreux pays, au nord ou au sud de la Méditerranée. Et c'est beaucoup d'activités différentes. On entend souvent parler de la ligne téléphonique d'urgence qui est tenue par des activistes 24 sur 24 et 7 jours sur 7. C'est une ligne qui a été créé dans le but de soutenir des personnes qui se retrouvent en situation de détresse pendant une traversée maritime lors des parcours de migration. Mais Alain Fon, c'est pas que ça, c'est aussi un gros travail de sensibilisation aux risques en mer sur les lieux de départ, avec distribution de numéros, établissement de liens de confiance dans les pays de départ. C'est aussi des personnes qui prennent soin des mortes et des disparus en mer, ainsi que de leurs proches, du coup avec l'identification et le rapatriement des corps, des actions collectives de commémoration, des cérémonies, tout ça. C'est aussi un gros travail de documentation sur les violences aux frontières maritimes de l'Europe et dans les différents pays, dans les différentes régions où Alain Fon travaille. Du coup, la route atlantique, la Méditerranée occidentale, la Méditerranée centrale, la mer Égée et la Manche aujourd'hui. Et enfin, c'est aussi un gros travail de pression médiatique et politique, notamment au niveau européen, pour que cessent les naufrages en Méditerranée. Et aujourd'hui, le réseau Alain Fon, ben, j'en profite pour vous dire qu'il a plus que jamais besoin d'argent. Et du coup, pour plus d'infos et pour faire des dons, vous pouvez aller sur le site alainfon.org et aussi écouter le podcast du réseau Alain Fon qui s'appelle Chronique amère, qu'on a déjà rediffusé dans Comme un ouragan, mais vous pouvez retrouver sur le site Jet FM, sur Radio Galère ou sur Canal Sud, et bientôt sur Radio Dio aussi, à partir du mois d'avril, je pense. Voilà, du coup, on va vous lire le communiqué qui a été publié hier. 30 personnes meurent à cause de la non-assistance des autorités italiennes. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mars, Alain Fon a reçu un appel de détresse de 47 personnes qui tentaient de fuir la Libye et ses conditions inhumaines en bateau. Les personnes nous ont communiqué leur position. Nous les avons transmises aux autorités italiennes, maltaises et libyennes le 11 mars à 2h28. La situation était alors critique. Le bateau dérivait. Les conditions météorologiques étaient extrêmement dangereuses. Les personnes à bord hurlaient au téléphone qu'elles avaient besoin d'aide. À plusieurs reprises, nous avons informé le centre de coordination des secours maritimes italiens de la situation par mail et par téléphone. Nous avons transmis les positions GPS, alerté de la détérioration de l'état des personnes et du bateau et exigé à plusieurs reprises que des opérations de sauvetage soient immédiatement lancées. Peu après la première alerte, à 3h01, nous avons demandé au centre de coordination des secours maritimes MRCC de Rome qu'il ordonne au navire de commerce Amax Avenue, alors à proximité du bateau en détresse, d'intervenir. Mais le Amax Avenue ne s'est pas arrêté et il est passé à côté de la scène de détresse. Il aurait pu intervenir sur instruction du MRCC Rome. Nous avons également tweeté à plusieurs reprises afin de rendre publique la gravité de la situation. 9h après la première alerte, l'aéronef Seabird 2 de Sea-Watch a repéré le bateau en détresse depuis le ciel, informant également les autorités de l'urgence de la situation. Pourtant, au bout de nombreuses heures, seuls des navires de commerce se sont rendus à l'endroit où se trouvait le bateau en détresse. Ni les navires des gardes-côtes italiens, ni ceux de l'opération Irini ne se sont déplacés. Ce retard, qui s'ajoute aux innombrables et systématiques retards qu'Alarm Phone a documentés au fil des ans, s'est avéré mortel. Pendant de longues heures, les navires de commerce se sont contentés d'observer la situation sans intervenir. Il est clair que les autorités italiennes essayaient de faire en sorte que les personnes ne soient pas amenées en Italie. Elles ont retardé l'intervention de sauvetage, attendant que les soi-disant gardes-côtes libyens arrivent et renvoient de force les personnes en Libye et dans les conditions de torture qu'elles tentaient de fuir. Lors de nos appels téléphoniques, les soi-disant autorités libyennes ont d'abord informé Alarm Phone qu'elles enverraient un navire. Plus tard, elles ont déclaré qu'elles n'étaient pas disponibles pour intervenir en raison d'un manque de moyens et que l'Italie coordonnerait l'opération de recherche et de sauvetage, SAR. Ce sont ces soi-disant gardes-côtes que l'Italie et l'Union européenne désignent comme les autorités compétentes dans la zone SAR libyenne. Nous avons communiqué pour les dernières fois avec les personnes à bord le 12 mars à 6h50. Elles étaient épuisées et désespérées. Elles criaient et appelaient à l'aide. Immédiatement après cet appel, nous avons envoyé leur position GPS aux autorités, leur demandant à nouveau d'intervenir de toute urgence. À 7h20, les personnes ont appelé une dernière fois, mais la communication était impossible. Après ce dernier contact, le bateau a chaviré. Seules 17 personnes ont survécu. Elles ont été secourues par le navire marchand Froland, tandis que 30 autres ont perdu la vie. Les survivants, qui ont vu leurs amis mourir à côté d'eux, doivent à tout prix être amenés dans un lieu sûr en Europe. Nos questions sont: pourquoi, compte tenu de l'urgence de la situation, les autorités italiennes n'ont-elles pas envoyé immédiatement des moyens de sauvetage adaptés sur les lieux de la catastrophe? Pourquoi les autorités italiennes ont-elles hésité à diriger les navires de commerce à proximité vers le bateau en détresse alors qu'elles connaissaient le caractère urgent et critique de la situation? Où se trouvaient les navires de l'opération maritime de l'Union européenne, Irini? Et s'ils étaient disponibles, pourquoi ne sont-ils pas intervenus? Pourquoi les navires de commerce se sont-ils contentés d'observer la situation et n'ont-ils pas essayé de secourir les 47 personnes plus tôt? Pourquoi les soi-disant gardes-côtes libyens n'étaient-ils pas disponibles pour intervenir? Pourquoi, sachant que les autorités libyennes ne pouvaient pas intervenir, les gardes-côtes italiens ont continué à les désigner comme les autorités responsables? Pourquoi les bateaux d'ONG de sauvetage sont-ils bloqués dans les ports italiens? Pourquoi, après le naufrage meurtrier de Crotone et les innombrables morts et disparitions en Méditerranée ces dernières années, l'Union européenne continue-t-elle à militariser ses frontières? Pourquoi persiste-t-elle à dissuader les personnes migrantes de se déplacer et à laisser des milliers de personnes se noyer? Les frontières de l'Europe tuent et continuent de tuer. Liberté de mouvement pour toutes.

million darkened kitchens, a thousand mill loaves grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Our soul as well as bodies, give us breath, but give us roses. Donc on a annoncé justement la première chanson, la deuxième chanson, c'était Bread and Roses, qui, bon j'avoue, je ne sais pas de qui, mais que c'est dans le soundtrack de The Pride. Pourquoi je voulais parler en allemand? Un super film, un très bon film. Très bon film. Je peux continuer. Voilà. Mais bon, on ne va pas parler de ce film, mais bon, ça parle quand même de grève aussi. Oui. Et moi, je voulais continuer et vous lire une texte, ou plutôt un tract que j'ai trouvé à Marseille, une tract qui appelle la grève féministe, qui m'a beaucoup plu. Et bon, c'est toujours bien si les autres, ils écrivent des textes pour ton émission. C'est super. C'est merci. Super. Merci. Alors, le 8 mars 2023... Nous n'irons pas travailler. Nous ne ferons pas la vaisselle, ni la cuisine, ni les courses. Nous déserterons nos lieux de travail, de consommation et de travail domestique et reproductif. Parce que nous sommes femmes et minorités de genre dans une société patriarcale et capitaliste. Notre travail est peu reconnu et sous-rémunéré, notamment dans les secteurs de la santé, du soin, du social, de l'éducation et du nettoyage. Parce que nous subissons des violences sexistes et sexuelles dans nos foyers, dans l'espace public, comme sur notre lieu de travail. Parce que la vague réactionnaire internationale conteste notre droit à disposer de nos corps. Restriction de l'accès à l'avortement, à la contraception, à la reproduction assistée, aux procédures de transition. Parce que nous sommes ignorés, infantilisés, non rémunérés, violentés dans la plus grande indifférence lorsque nous sommes handicapés. Parce que lorsque nous sortons du schéma hétéronormatif, nous ne pouvons l'assumer sans risque de représailles. Parce que lorsque nous trouvons à la croisée du racisme et du patriarcat, nous avons plus difficilement accès à l'emploi ou toujours au même et nous subissons rejet, indifférence, violence. Parce que les attaques contre les droits sociaux sont multiples. La réforme des retraites et de l'assurance chômage en sont les exemples. Le gouvernement nous plonge toujours plus dans la crise sociale. Les prix explosent et il devient difficile de se loger, de se chauffer, de se nourrir convenablement. Parce que les inégalités économiques, de plus en plus démesurées, s'enchevêtrent à la crise climatique, dont les manifestations sont de plus en plus intenses. Cela précarise toujours davantage nos existences. Parce que la loi anti-squat, Kasparian-Berger, et le projet de loi d'Armanien vont rendre la vie impossible aux plus précaires, en menaçant le droit au logement et en facilitant l'exploitation et l'expulsion des migrantes. La grève féministe, c'est l'arrêt du travail productif et reproductif, salarié, à l'école ou au foyer. À travers la grève féministe, nous pouvons construire une force commune, une force commune contre la violence patriarcale, la précarisation, l'austérité et la pauvreté. Nous nous approprions un outil traditionnel de lutte pour les dépasser, les réinventer ensemble sur la base de nos besoins dans tous les domaines de nos vies. Faisons de cette pratique une force, une puissance collective. Nous nous arrêtons un jour pour apprendre ensemble à s'arrêter et à faire grève contre la violence tous les jours de l'année. Révoltons-nous, crions toutes ensemble que si nos vies ne valent pas, nous nous arrêtons. Bloquons les systèmes qui nous exploitent, nous oppriment et nous tuent. Envahissons les rues le 8 mars et retrouvons-nous tout ensemble pour lutter. Ben, merci aux camarades marseillaises pour ce chouette tract. La grève féministe, c'était aussi à Santé. Il s'est passé aussi des trucs le 8 mars à Santé. Il y a eu notamment une marche appelée, enfin une manif appelée par les syndicats à 17h. Et aussi une marche de nuit plus tard dans la soirée. Du coup, on était plusieurs de Comme un ouragan et à la manif syndicale et à la marche de nuit après. Voilà, du coup, on vous a préparé un long montage de 35 minutes sur, plutôt sur la marche de nuit pour celle qui était ou celle qui n'y était pas d'ailleurs. Et voilà, je sais pas, est-ce qu'on a envie de dire des trucs avant? Moi, je voulais juste dire un petit truc. Ça, du coup, j'ai fait partie des deux manifestations, du coup, de l'intersyndicale et de la marche de nuit. Et je voyais que la marche de nuit m'a vraiment fait un bien fort, d'autant plus après l'intersyndicale, où je me suis retrouvée en tant que militante trans pute très seule. Je me suis retrouvée où j'étais avec des copaines trans, où on était entre deux cortèges. À ne pas trop réussir à savoir de quel cortège on a envie d'aller, d'avoir des regards très étranges avec la pancarte que j'avais, où d'un côté c'était écrit lutte en lutte, et de l'autre actif c'est pour l'anal, pas pour le capital. Et vraiment, je voyais les regards interrogateurs et je me suis vraiment senti très très seul, malgré la présence des copains autour de moi. Et la manif après du soir, pour le coup, a balayé beaucoup plus large. Il y a eu une espèce de bloc transpédéguine incroyable. Et on va vous laisser écouter ça. C'était juste un moment qui fait du bien, qui fait vraiment rappeler qu'on est contente d'être à Saint-Étienne. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi sur la manif appelée par les syndicats. Juste quand même, il y a un truc qui m'a fait un peu du bien, c'est qu'il y avait un gros cortège jeune qui, quand même, je trouvais, était un peu vénère et très mélangé entre différentes orgas et tout ça, et qui filait un peu la pêche quand même. Du coup, c'est pas tout le temps, du coup, je pense que c'est important de le faire remarquer. Et ouais, moi je suis d'accord, là, cette marche de nuit, elle m'a fait beaucoup de bien, et elle m'a fait beaucoup de bien aussi dans ce contexte de mouvement social où à plein de moments je suis perplexe sur le fait de lutter uniquement contre les retraites et de pas du tout penser à tout ce qui se passe en même temps, c'est-à-dire la loi Darmanin. Et toutes les personnes qui n'ont pas, pour certaines même qui travaillent mais qui n'ont pas accès aux droits, je pense aux travailleuses du sexe, je pense aux personnes qui travaillent en prison, je pense aux travailleurs et travailleuses sans papier, et que ben là, dans la marche de nuit, ben, j'ai l'impression qu'il y avait un peu des slogans qui parlaient de toutes ces personnes aussi, et je pense que ça m'a fait un bien fou. Voilà. Ben, du coup, on écoute ça. Tu peux nous dire où on est là? On est au-dessus, on est à Saint-Étienne, ouais. À la place au-dessus de la faculté. Et pourquoi on est là? On est là pour faire une marche nocturne en mixité queer et féministe. Queer féministe? Je sais même plus. En mixité queer, ok. Pour le 8 mars, c'est ça? Pour le 8 mars, exactement. Et il y a du monde un peu Ça gagnerait à ce qu'il y ait plus de monde, mais je suis déjà bien content de voir qu'il y a un petit peu de monde. Et on est quand même entouré par des flics. Hein, ouais, il y a beaucoup de flics. Ouais, il y a énormément de flics. Alors, okay. Ouais. Et voilà. Bon, bah, on va voir comment ça va se passer. Ouais, j'espère que ça. Je suis sûre que ça va très très bien se passer. On a du bon son, on a des crêpes, et on a des amis et de la bonne humeur. Ça va être génial. Super, voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit sur une pancarte. Ne fermez pas les yeux, même si ce sont vos frères, potes, pères. Je me présente, je suis Eva. Je suis à l'origine, je suis une meuf trans qui est venue à cette manif sous la proposition de camarades, d'Adelphes et d'amis. Si je suis venu, c'est que la cause me tient à cœur. Et aussi dans pour cette manif parallèle. Elle a une portée beaucoup plus radicale que celle de 17h. C'est la première fois que je vais dans une manifestation, on va dire, dont on va dire le caractère est principalement porté sur les luttes féministes, les luttes des violences sexuelles. D'autant plus que malheureusement, j'ai été plus ou moins victime de ce genre de violence. Et ne pas oublier surtout que malheureusement on a tendance souvent à croire, bon après pour des militants de gauche ça peut paraître normal, mais pour des personnes qui ne sont pas spécialement politisées, les gens ont tendance souvent à oublier que malheureusement les personnes principales qui, on va dire, harcèlent, font le plus de violence et malheureusement qui sont les responsables derrière les viols, sont malheureusement souvent des personnes souvent proches, des amis, des petits copains qui sont, on va dire, qui ont des comportements des plus lourds, voire qui sont toxiques, des pères de famille, des oncles. Malheureusement pour moi ça a été le cas d'un de mes membres de ma famille qui m'a fait subir malheureusement ce genre de violence. Désolé, j'ai un peu du mal à dire les points sur les i parce que malheureusement j'ai encore un peu du mal avec ça, ce qui m'avait fait subir ça et du coup malheureusement j'ai longtemps refoulé ce souvenir et sauf qu'il est revenu de plus en plus et je pouvais plus l'ignorer et ben, depuis j'essaye un peu de, on va dire, de combattre de passer outre ce souvenir, même si c'est très difficile, très dur, quand un membre de sa famille, de ta propre famille à qui tu faisais confiance, t'a violé. Je me sens beaucoup désormais très attaché, maintenant depuis que j'ai fait ma transition, concerné par les luttes féministes et contre les violences sexuelles. Merci. Merci de ton témoignage. Alors là, on a une personne qui va faire la manif en roller. Tu peux nous dire pourquoi tu fais la manif en roller ? Je fais la manif en roller parce que je fais du roller derby, qui est un sport très féminin et très féministe. Et du coup, je fais du roller dans l'espace public parce que c'est cool et que la plupart du temps, j'aurais pas pu. Est-ce que t'as envie de nous dire pourquoi t'es là ? Je suis là parce que je suis en colère. T'es en colère contre quoi ? Je suis en colère contre ce monde de merde, contre le patriarcat, contre le capitalisme. Et voilà. Trans, oui, le pédale, pour la grève générale. Trans, oui, le pédale, pour la grève générale. Trans, oui, le pédale, pour la grève générale. Trans, oui, le pédale, pour la grève générale. Capital. Actif, c'est pour la nalle, pas pour le capital. Pas de machos dans nos quartiers, pas de quartier pour les machos. Pas de machos dans nos quartiers, pas de quartier pour les machos. Pas de machos dans nos quartiers, pas de quartier pour les machos. Putain, chômeuse, que contre l'aise. Putain, chômeuse, que contre l'aise. Les flics et les machos, et après. social, du sexe anal pour le changement social. Les féministes détestent la police. Les féministes détestent la police. Les féministes détestent la police. Les féministes détestent la police. Les féministes. Pourquoi vous êtes venu Pour l'égalité déjà de 1. Pour qu'on soit plusieurs et que les voix soient plus fortes. Attends, je trouverai un slogan après, mais vas-y. Alors déjà, est-ce que c'est ta première marche de nuit féministe? Oui, c'est ma première marche féministe de toute ma vie. Et franchement, c'est plutôt sympa. Hein. Ok. Ouais. Et pourquoi t'es venue avant du coup? Pour défendre les droits des femmes. Ok. Et de tous les LGBT queer. Et ça te fait quoi du coup d'être là ce soir là? Il y a une grande solidarité qui fait plaisir entre femmes, entre queer, LGBT. Franchement, ça fait plaisir de voir que autant de monde, enfin autant de femmes puissent crier pour ses droits, qui est trop réprimé. Merci. Et alors toi, c'est pas ta première marche de nuit féministe? Pas tout à fait. Et pourquoi tu continues encore à venir alors? Bah, je continue encore à venir parce que le changement social n'arrive pas. Donc, comme dirait un vieux slogan, bah, au feu, féministe tant qu'il le faudra. Le patriarcat, au feu, le patriarcat. Est-ce que tu as envie de dire pourquoi tu es là ce soir? Pour défendre le droit, rappeler que même en France, les droits pour les femmes ne sont pas respectés, et toutes les femmes. Merci. Ouais, du coup, t'as un drapeau, tu peux nous dire c'est quoi comme drapeau? Alors, c'est le drapeau palestinien, parce que le combat féministe, c'est aussi de se battre pour tous les peuples qui sont opprimés, et notamment les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent l'occupation, la colonisation et l'apartheid. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, reste au téléphone, reste au téléphone, reste... Depuis tout petit, on m'a dit faut beaucoup d'oser. Donc je mets tout dans ma peine, ou je mets tout dans mon terre. J'espère qu'ils comprendront que je suis très loin de la terre. 3 millions c'est pas assez. Pourquoi je ne pense qu'à brasser? Ouais, je veux quitter le quartier. Une vie sur la mer, un cocktail et me faire masser. Ouais, on voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, crois-moi, je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night. Rider toute la night. On va rider toute la night. Rider toute la night. Ils essaient de prendre le trône, ouais, dis-leur qu'ils essaient. J'en ai vu des signes, j'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai combattu la jungle, combattu le Banks. J'suis dans les hautes sphères, faut viser la tête si tu veux me voir tomber. Ouais, pour l'instant pas tombé. Ouais, j'ai de l'empire de danger. Déboussolé partout, je me sens étranger. Ouais, 3 millions c'est passé. Pourquoi je ne pense qu'à brasser? Je veux quitter le quartier. Une vie sur la mer, un cocktail et me faire masser. Ouais, on voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, crois-moi, je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night. Rider toute la night. On va rider toute la night. Rider toute la night. ta justice ne nous protège pas. Organisons-nous contre le patriarcat. 146 féminicides en 2022, 113 en 2021, 102 en 2020, 153 en 2019 et déjà plus d'une vingtaine en 2023. 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Des tas d'enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Source, nous toutes. Après les assises nationales de lutte contre les violences sexistes, après la grande cause du précédent quinquennat, après les annonces institutionnelles qui depuis des décennies promettent de faire de la lutte contre les violences patriarcales une priorité. Cela fait bien longtemps que les victimes du patriarcat sont condamnées à la sobriété et attendent l'abondance des mesures efficaces. Comment prétendre lutter efficacement quand on installe et maintient en toute impunité des violeurs au gouvernement? Yeah. s'appelle juste comme ça. Le féminisme est contre les terres. Voilà, juste un petit. Tu peux nous lire ce qu'il y a sur ta pancarte. En solidarité avec nos sœurs et frères en prison, nous voulons que tout le monde rentre à la maison. Allez, on fait plus de bruit là. Et on n'oublie pas qu'il y a des grèves à prix libre en soutien pour la caisse de grève. La lutte continue, la lutte est toujours là. Tu ne vas pas tout ça, ouais, tout ce que je fais pour toi. Pour toi, la machine tourne, j'ai décollé la machine tourne. Et la machine est grosse ce soir. J'ai décollé la machine tourne, je pète les plombs, je pète les plombs. Et vous, c'est pas votre première match de nuit féministe? Non, ça fait trop plaisir en même temps de voir. En fait, quand je suis arrivée, j'ai halluciné de me dire oh putain, mais en fait, il y a plein de jeunes, c'est trop cool quoi. Et pourquoi tu continues à venir? Parce que c'est toujours une lutte aussi importante et il y a encore tellement de choses à faire, hein, putain. Merci. Parce que c'est des causes qui sont importantes tout le temps et pas qu'aujourd'hui, et que je soutiens mes potos avant de me soutenir moi parce que c'est important. Est-ce que tu peux dire ce qu'il y a sur ta pancarte derrière? Féministe insoumise par rapport à l'IFI et aussi sur toutes les générations. Du coup là j'ai aussi une pancarte devant pour pas de bébé à la consigne parce que les travailleuses de la petite enfance sont maltraitées et c'est comme à l'école et à l'hôpital, tous les métiers du care, du soin, du lien. Bah, c'est des métiers de femmes sous-payés, on est exploité. Et voilà, avec les privatisations, etc. Donc on est abîmé et on abîme aussi nos usagers. Donc là, je manifeste pour les femmes de toutes les générations. Merci. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a sur ta pancarte? Ah oui, bien sûr. Pas de féminisme sans les putes. Et pourquoi t'as cette pancarte? Parce que on stigmatise les putes, les prostituées, les travailleuses du sexe, alors que elles font un métier qui ne nécessite pas qu'on les insulte et que pute soit une insulte. Et c'est quand même une manière de se réapproprier de leur propre corps et c'est un travail comme les autres. Voilà. Merci. Je reviens de l'école. Qu'est-ce que excuse-moi, est-ce que tu as envie de lire ce qu'il y a sur ta, de dire ce qu'il y a sur ta pancarte derrière ? Il y a écrit. Je veux pas louper les gens que j'ai écrits. J'ai oublié la dernière. Oui. Merci Abby Beach, merci Céline Sciamma, merci Tarama Burke, merci Bellux. Et pourquoi t'as écrit ça ? Parce que j'avais envie de remercier les personnes qui sont inspirantes, qui donnent la possibilité de conscientiser plein de choses qu'on nous apprend pas. Est-ce que t'as envie de dire ce que t'as écrit sur ta pancarte ? Ah, de le dire ? Ouais, de dire au micro. Ouais. Alors, Pornhub diffuse des vidéos de personnes violées. Le porno aussi, c'est du travail et ça se paye. Porno payant pour se masturber sur du consentement. Et pourquoi t'as écrit ça ? Parce que c'est vrai. Non, mais Pornhub a été accusé de ça. Du coup, il y a le directeur de Pornhub qui a démissionné par rapport à ça. Mais c'est vieux comme histoire. Mais en fait, c'est un truc qui est hyper courant. Et en fait, il y a tout le monde qui regarde du porno. C'est hyper courant, mais tout le monde le regarde sur un truc gratuit. Alors qu'en fait, bah, c'est du travail. Il faut financer les personnes qui font ça. Et pour être sûr que ça soit dans des conditions de travail bien, il faut le payer. Et voilà. Oui, il faut aller voir sur des sites de porno payants. Voilà, on c'est est bien ça. D'accord. La police mutile, la police assassine, la police mutile, la police assassine, la police mutile, la police assassine. Alors toi, tu fais la manif en roller. Ouais, c'est super, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, tu vois, c'est une bonne occasion. Et toi, c'est ta première marche de nuit féministe ou pas ? Oui, ouais, ouais, ouais. Et pourquoi t'es venue ? Ah bah parce que je soutiens cette cause et que je me sens bien là-dedans, okay. Dans ce monde. Et ça te crée des émotions un peu d'être là et tout ça, enfin, ça te fait quoi ? Ah, je suis super contente, hein. Vraiment, je passe un super moment. C'est trop beau. Merci. Ouais. Toi aussi, t'aimes bien. Est-ce que t'as envie de nous dire pourquoi t'es là ? Pour être présente avec les copaines trans, inter, meufs et racisés qui sont opprimés par le système et le patriarcat et foutre un peu le bordel. Et c'est là, ça te fait du bien ce soir, tu te sens comment ? Ouais, c'est kiffant, ouais. Il y a du monde, il y a de la déterre, c'est cool. Merci. Raconter ce qui s'est en train de se passer là. Ah bah là, il y a de la musique, je connais pas le titre, mais c'est coucou lala. Et il y a tout le monde qui s'ambiance, c'est trop mignon. Ouais, du coup, il y a des gens qui dansent. Tout ouais, ça. Ah ouais, il y a quelqu'un même avec un cerceau qui gère de ouf. Ouais, grave. Ouais, il y a même quelqu'un au micro qui chantait tout à l'heure. Ah bah là, oui, encore. Et ouais, il y a du monde de partout. Est-ce que tu as envie de dire ce qu'il y a sur ta pancarte ? ni dieu ni mec sans sauf Ravachol. Et pourquoi Ravachol? Parce que Ravachol, c'était une grande figure de l'anarchisme qui prônait, c'était un des rares anarchistes, qui prônait l'égalité dans tous les domaines, et surtout l'égalité, du coup, transpédéguine, hommes, femmes, enfin tout. En 1880, chose qui était très rare. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anarchistes mexis hétéros qui ont oublié cette valeur très importante. Il y a un super documentaire à la Cinémathèque, gratuit. Voilà, je vous invite à toutes et tous à aller le voir. Et Ravachol, il m'a fait vraiment du bien, quoi. Bah, merci pour cette pancarte, en tout cas. Et merci à toi. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est là, parce que... Rue des Martyrs, ma gueule. Et c'est quoi la rue des Martyrs à Saint-Thé? C'est la rue des étudiants, des bars, c'est la rue des gens pas très intéressants. Okay. Et c'est là qu'on chante les hétéros, c'est dégueulasse. Ouais. Et les gens, ils nous regardent en souriant, ils ont pas compris, je crois. T'as envie de nous raconter ce qui s'est passé? On a demandé à un queumé d'arrêter de filmer et là il s'est énervé, il a fait le mascu et après il a balancé la bière à la tête d'une copaine et voilà. Et tous les petits mascus sont sortis mais là ils sont re-rentrés dans le bar. Oui. Ils ont eu un peu peur. Parce qu'on est beaucoup quand même. Bah oui, on est un peu plus que les 6 mascus qui se présentent, quoi. Bon, merci pour ce montage. Comme moi, je n'étais pas là le 8 mars à Saint-Étienne, ça me fait un peu de comme revivre. Pas revivre, parce que je ne l'ai pas vu. Bon, vivre finalement. Non, c'est cool de voir, de reconnaître toutes les voix. Ouais, on espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et d'ailleurs, pour un petit appel pour demain aussi, demain pour la manif à 10h30 au Château-Creux. Est-ce que c'est Château-Creux demain? Ouais, si, c'est Château-Creux demain aussi. Ouais. Château-Creux. 10h30, Château-Creux. Et on a d'autres trucs peut-être à annoncer. Demain, de 18h à 20h, il va y avoir, il faut demander les infos sur internet, sur castra@riseup.net ou @42castra sur le Instagram et Twitter. Il va y avoir une permanence pour les personnes trans, en mixité trans femmes et trans masques, pour faire un moment de sociabilité et parler un peu d'hormones et de faire un peu de réduction des risques autour des injections et parler un peu de tous les types d'administration d'hormones. Dimanche midi... Dimanche midi aussi, c'est la cantine pour cantiner, du coup à la tablée en bas des marches du Crédroc. La cantine pour cantiner, c'est des cantines de soutien pour des personnes en prison. Et ce mois-ci, c'est pour soutenir J.C. Merlet, qui est incarcéré à Roanne. Et depuis qu'il a osé porter plainte contre les surveillants qui l'ont tabassé et rendu handicapé en 2016 et que la justice refuse son témoignage par rapport au meurtre de Sambali Diabaté, ils le lui font payer. Il est maintenu en détention alors qu'il a effectué ses 2/3 de peine et que son état santé devrait lui permettre d'être libéré pour raison médicale depuis des années. Voilà, du coup, c'est une personne qui subit des trucs atroces de la part de l'administration pénitentiaire et qui a vraiment besoin de soutien. Sinon, il y a vendredi, le soir, à partir de 18h, à l'Amicale du Crédroc. Il y a une soirée en soutien aux faucheurs et faucheuses d'OGM avec apéro, petite présentation des actus et actions des faucheuses du coin et la projection de Chicken Run à 20h. Donc, n'hésitez pas à passer, ce sera prix libre en soutien au dernier procès des faucheuses. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer d'autre? Écoutez Radio Dio le 23, jeudi 23, la prochaine émission de Pédale Scandale, où on parlera de nos représentations de pédale dans le monde mainstream, on va dire, un peu. De comment on se réapproprie des imaginaires erronés. Ouais, homo érotique, tout ça, comment on s'invente des imaginaires homo érotiques des fois, dans des films, dans des livres, des chansons, tout ça. Trop bien. Et sinon, dans 2 semaines, comme un ouragan, sur Radio Dio, à 89.5, et on a la fin de notre émission, et on va s'écouter une petite dernière chanson. Et on écoute Queerage de Viscéralement Déviant. Ouais, nous sommes ingouvernables. Bonne soirée. Bonne soirée. Tous. Oui, à bientôt. Vous nous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles et les filles aiment les garçons. Votre conception de l'amour s'est limitée à la procréation de chair à canon. Alors que la nôtre appartenait déjà au royaume des désirs, du plaisir, de l'affection et des étoiles. Puis vous n'avez cessé de propager la haine des queers, la haine des différences. Vous nous avez brûlés, enfermés, chassés, déportés, cassés, dénoncés, psychiatrisés, étudiés, ghettoisés, expérimentés, niés. Puis à tester, tester, contester et détester. L'hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres. L'intégration, c'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. Votre intégration, c'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Sauf si c'est notre choix. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables.